Chapitre 8. De l'intempérance de Jean et de ses suites. Nous imitons la belle conduite de Monsieur Surcouf. Assaut et prise du navire hollandais. Je ne partageais pas tout à fait les épouvantes de Jean. Les pommes de terre me rassuraient sur le couteau. « Tu n'es qu'un poltron, » dis-je. « Nous ne sommes pas encore assez loin de chez nous pour trouver des sauvages. » Il répliqua d'un air entendu. « Des sauvages, je ne dis pas, mais des pirates et forbans, on en rencontre partout. » Il parlait encore que tous les brigands appelés par notre homme au coutelas descendirent ensemble, mais non point tumultueusement. Ils arrivèrent d'un pas tranquille, se balançant au roulis avec méthode. Il y avait là sans doute Cornelius, Peters, Abraham et Meinherr Haas. C'étaient tous de gros bonhommes que leur large carrue refaisait paraître bas sur jambes. Aucun d'eux n'avait l'air bien méchant. Le plus vilain était Abraham. Mais leurs figures huileuses et tannées ne plurent sans doute point à Jean Piteux, car il se mit à pousser des cris de détresse. Meinherr Haas, Cornelius et Abraham restèrent une bonne minute à nous regarder, pendant que l'homme au couteau, qui se nommait Klotz, leur donnait de lentes et paisibles explications. Quand Klotz eut fini, les autres se penchèrent au-dessus du trou de soute. Jean leur cria du ton de la plus fervente prière. « Messieurs, je ne vaux rien à manger, parole d'honneur. Je suis maigre et j'ai une maladie contagieuse de naissance. » Il alla même dans le paroxysme de sa terreur jusqu'à proférer ce hardi mensonge. Madame veuve Élie, qui m'aime comme la prunelle de ses yeux, donnerait bien pour me ravoir 3 ou 4 écus de 6 livres. Il me sembla que le nom de veuve Élie faisait dresser l'oreille à nos bourreaux, surtout à celui qu'on nommait Abraham. Ils se regardèrent et quelques mots furent échangés entre eux. Klotz, sans quitter son couteau, me saisit par le collet, pendant qu'Abraham plongeait sa grosse main dans la toison du pauvre Jean. Ce fut ainsi que nous fûmes extraits de la soute. Plus tard, j'ai pu acquérir une certaine teinture de la langue hollandaise, comme généralement de tous les idiomes usités chez les divers peuples du globe. Il faut cela dans le commerce. Je ne voudrais pas faire partager à mes lecteurs l'erreur puérile de mon cousin Jean Piteux. Ces paroles qui nous semblaient si terribles, je les ai traduites par les souvenirs à mesure qu'elles me revenaient, et je dois confesser qu'elle ne trahissait chez Peters, Cornelius, etc., ni même chez Abraham, aucun caractère bien tranché d'anthropophagie. Il se disait tout uniment « Si on les laisse dans le riz, ils vont le gâter !» Et cette façon d'envisager les choses était d'autant plus raisonnable qu'il y avait déjà des traces de mal de mer tout autour de Jean Piteux. On me fit monter le premier l'échelle du grand panneau, non sans me donner quelques bourrades, et celui qui tenait Jean mit fin à sa résistance en le jetant sous son bras comme un paquet. Nous ne fîmes que traverser le pont où chaque lame lançait un déluge écumant. La mer semblait être en délire, les voiles claquaient au vent, les cordages criaient, les mâts grinçaient, et à quelques encablures de nous, un navire, presque couché sur le flanc, trempait ses vergues dans la mer. Je me souviens qu'un rayon de soleil passant par un trou de vrille pratiqué dans le plomb des nuées éclairait tout cela d'une lueur folle et sinistre. J'allais devant moi, ivre de frayeur. Je trébuchais au bord d'une trappe et mon conducteur me retint charitablement par l'oreille. En ce moment, le navire en perdition se redressa et nous montra son couronnement de poupe où je crus lire, au blafard de lueur du soleil pluvieux, ce nom, la Marie-Pauline. Je n'eus pas le temps de jeter un second regard. On me fit descendre par une échelle à pic, tout au fond d'un petit gouffre où il faisait encore plus noir que dans la soute au riz. J'arrivai en bas sans trop de mal et, l'instant d'après, Jean vint rouler à mes pieds. La trappe retomba. Nous étions dans une complète obscurité. La voix de Jean s'éleva dans ces ténèbres. Il me dit « Ça saute aux yeux que c'est une peuplade entièrement barbare. On n'aura pas besoin de me tuer, car je suis prêt à rendre l'âme. » « As-tu reconnu aussi, toi, la Marie-Pauline ? demandai-je. Bon, fit-il au lieu de répondre. Te voilà qui a le délire, ça va bien. Tâche plutôt d'écouter. Si tu as la chance de me survivre, mon cousin, fais-moi chanter une messe noire à bon compte. Guénolé n'aurait bien sûr rien pris pour cela, mais il n'est pas encore ordonné prêtre, c'est dommage. Dis bien des choses de ma part à maman Quimper, à la famille et au Élie. Voilà ce que je regrette. Va, ils s'en donnaient tout de même en cachette. C'est patron François qui avait bu les 3 demi-bouteilles de Vespretto qu'on a tant cherché à l'inventaire. Fifi Jacquet et Élie Neveu faisaient leur farce, et veuve Élie allait au fond de la petite cour mordre dans les cervelas. Quant à Fanchette, tu peux compter que c'est moi qui l'aurais épousée. Toi, tu fais des embarras, mais tu n'es bon à rien. Je t'aimais assez tout de même. Adieu. Sa voix était sèche, brève et toute changée. Je ne la reconnaissais plus. Nous avions vécu l'un près de l'autre depuis notre premier jour. À vrai dire, Jean était mon meilleur camarade et mon seul ami. L'affection que j'avais pour lui comportait une dose méprisante qui la rendait plus sincère. Il me faisait ressortir. Si vous regardez bien l'amitié mondaine, vous verrez que c'est une façon de s'aimer soi-même à travers ou par-dessus autrui. Jamais je n'avais entendu Jean Piteux parler comme il le faisait. Je n'aurais pas cru qu'il en fût capable. Je fus irritée de voir qu'au fond de l'âme, il se comparait à moi, en gardant même la supériorité par-devers lui. La drôle de chose que l'orgueil. Jean, mon égal, quelle folie! Cependant, l'idée que je pouvais le perdre et rester seul au fond de cet horrible trou me navra. Je me penchai sur lui, je le tâtai, il me parut tout froid et mon sang se figea. Je voulus appeler, mais ma voix s'étouffait dans un fracas sans nom. Nous étions à l'arrière et le navire courait devant le vent. Les coups de mer tombaient à 3 pieds de nous contre les planches mêmes de la cale, et jamais je n'ai rien entendu de si lamentable que les plaintes du gouvernail, notre voisin. Je m'éloignai de Jean, le croyant mort déjà, puisqu'il m'avait dit adieu. C'était un cadavre que j'avais avec moi. Sur ma tête, tous mes cheveux se dressaient. Comme j'allais à 4 pattes, n'osant me relever, mes mains rencontrèrent quelque chose de friable qui me parut être du poussier de charbon. Un peu plus loin, ce furent des légumes, carottes, choux et navets. Un peu plus loin, encore un objet tiède et velu dont le contact désagréable me fit sauter en arrière. L'objet grogna. Non, que les imaginations ardentes coupent leurs ailes. Ce n'était pas un lion, ni même un tigre. Saint-Antoine avait pour ami un cochon. Vous me croirez, si vous voulez, ce grognement me mit du baume plein le sang. Je n'étais plus seul, et je regrettais moins amèrement mon cousin Jean Piteux, décédé à la fleur de l'âge, qui me dit juste à ce moment « J'aurais préféré être inhumé proche de chez nous, mais à la guerre comme à la guerre. »« Tiens, m'écriai-je, tu n'es pas encore parti. » Au contraire, sa voix était beaucoup meilleure, et j'avais confusément l'idée qu'il pouvait bien se moquer de moi. Il poursuivit. « C'est malheureux. J'aurais été loin, moi, sans presser le pas. Toi, tu n'es pas un méchant garçon, mais tu crèves d'orgueil. Gare la culbute. Je te pardonne mon décès. Tu diras de ma part à Fanchette. » Je l'interrompis vivement. « Tu n'as rien à voir à Fanchette, gringalet, m'écriai-je. Elle est pour être ma femme. »« Savoir, fit-il avec un petit rire provoquant qui me donna envie de le battre. Maman Quimper ne l'entend pas comme cela, et Fanchette, qui a l'air de dire oui aujourd'hui, ne dira-t-elle pas non demain quand elle verra à se conduire? Ce n'est qu'une mioche. Vous voyez qu'il était bavard dans son agonie. Il ajouta, « Moi, je m'en moque pas mal, puisque je suis moribond. Mais aussi vrai que je te le dis, Fanchette aurait été Madame Piteux. » J'étais tout à fait en colère. Je me rapprochais de lui et levais la main, disant, « Tu vas finir, pas vrai ?» Jean changea de ton encore une fois et répliqua d'un accent sinistre, « Ça va finir que nous allons nous entre-dévorer, nous deux. Est-ce que tu n'as pas deviné leur idée? Nous sommes condamnés à mourir de faim ici. Je m'aperçus seulement alors que Jean n'était plus lui-même et qu'une exaltation tout à fait contraire à sa paisible nature le tenait. « Calme-toi, mon cousin, » lui dis-je avec bonté. « Tu te trompes. Nous sommes ici dans un endroit où l'on ne meurt pas de faim. Il y a tout autour de toi des légumes et un cochon vivant. » Je l'entendis aussitôt se relever. « Alors, » dit-il impétueusement, « nous sommes sauvés ?» Je sais comment le faire cuire. Cherche deux morceaux de bois sec. On les frotte l'un contre l'autre avec rapidité et l'on se procure du feu quand on n'a ni amadou ni briquet. Tu éplucheras les légumes pendant que je vais tuer le cochon et le plumer. Quelle dinaille ! Il se rapprocha de moi en tâtonnant. Sa main qui toucha la mienne était brûlante. Jean, mon pauvre Jean, murmurai-je. « Est-ce que tu vas devenir fou ?» Au lieu de répondre, il me demanda, « Combien de jours au juste avons-nous été dans le riz ?» Et dire que je n'ai même pas songé à en mâcher quelques poignées. J'étais trop malade. Mais, malade ou non, l'homme ne saurait vivre plusieurs semaines sans manger. C'est impossible. Je voulus lui faire entendre que nous étions à bord seulement depuis la veille au soir. Il me saisit le poignet et le serra avec une force que je ne lui connaissais pas. « N'essaie pas de m'abuser, » prononça-t-il tout bas. « J'ai du courage. Donne-moi plutôt le cochon, que je l'étouffe et que je le mange. » Il lâcha ma main et s'affaissa dans le charbon où il resta étendu. L'instant d'après, il ronflait bruyamment. En toute ma vie, je ne me souviens pas d'avoir passé des heures plus tristes que celles qui suivirent. Toutes les fièvres se gagnent, c'est certain. Au moment où Jean s'endormait, l'idée de famine me faisait rire, et d'autre part, je n'avais aucun doute sur la durée du temps écoulé depuis notre départ de la jeune Émilie. Au bout d'une demi-heure, l'obscurité impénétrable et les clameurs de la mer agirent sur moi d'une façon extraordinaire. J'eus peur. Et aussitôt née, cette peur grandit jusqu'à l'épouvante. Ma poitrine se serra, mon estomac me fit mal. Jean était un garçon froid qui rarement se trompait. Comment mesurer les jours dans une pareille nuit? Il y avait peut-être en effet longtemps que je n'avais mangé. Mon imagination travaillait déjà, supputant les heures qui ne s'étaient point écoulées. Je n'étais après tout qu'un enfant. Au bout d'une autre demi-heure, je sentis la faiblesse qui me prenait à mon tour. Je donnais raison à Jean. Je me demandais avec angoisse combien de centaines de lieues nous avions pu faire, emportés par cet ouragan diabolique sur les routes sans fin de l'océan. Il y eut un petit craquement juste au-dessus de ma tête. J'aperçus un carré lumineux sur lequel une silhouette humaine se dessina. Puis un autre craquement se fit, produit par la trappe qui retombait en me cachant le jour. Je pus alors reconnaître Klotz, large et rond comme une tour. Il avait son coutelas à la ceinture et une lanterne pendait à l'un des boutons de sa houppelande par une lanière de cuir. Je n'avais pas remarqué encore qu'il louchait, ce monstrueux bonhomme. Je cherchais, je trouvais sur ses traits, qui semblaient dégrossis à la hache dans une bûche à brûler, une expression de brutale inhumanité, pendant qu'il descendait lourdement les degrés de l'échelle, portant à deux mains une jatte de grande dimension qui l'enveloppait dans les tourbillons de sa fumée et dont il avait l'air de respecter beaucoup le contenu. Dans la disposition d'esprit où j'étais, je n'aurais pas mieux demandé que de prêter à cette visite une signification funeste, mais la bonne odeur de soupe qui me montait aux narines luttait victorieusement contre tout soupçon d'assassinat. Klotz, en arrivant au fond du trou, déposa sa jatte sur le plancher, au-dessus duquel le poussier de charbon formait comme un sol. Il détacha ensuite sa lanterne et se mit à examiner Jean qui ne bougeait pas. La petite taille et la maigreur de mon cousin piteux arrachèrent à Klotz un geste d'équitable dédain. Un sourire d'estime et de contentement vint au contraire à ses lèvres barbues, Quand il me regarda à mon tour, je le trouvais moins laid pour la bonne opinion qu'il avait de moi. Le panneau d'en haut s'entr'ouvrit de nouveau et l'on appela Klotz par son nom. Il répondit en hollandais quelque chose qui, sans doute, voulait dire « on y va ». Mais au lieu d'obéir, il me tâta les bras, les épaules et le dos avec une évidente satisfaction. J'eus un mouvement d'orgueil et je dis « un Quimper et un piteux, ça n'a jamais fait la paire, mon brave ». Il secoua la tête en homme qui ne comprend pas et leva sa lanterne. Le réduit éclairé m'apparut beaucoup plus large que je ne l'avais supposé d'abord. Le refuge du cochon était à droite de l'échelle. À gauche, il y avait une porte qui fermait au taquet. Klotz me montra cette porte et se mit à baragouiner avec une certaine animation en donnant à ses gros yeux une expression de menace. Barbe Bleue devait avoir cet air-là un peu quand il confia à sa femme la clé de la chambre où il était défendu d'entrer sous peine de mort. On appela d'en haut pour la seconde fois. Klotz posa sa lanterne auprès de la jatte et fouilla vivement ses poches, d'où il retira deux cuillères de bois, deux gobelets de cuir et une bouteille en grès courte mais ventrue. Ces divers objets ne paraissaient même pas dans ses poches qui étaient d'une dimension inusitée et dans chacune desquelles on aurait pu loger un petit enfant. Il prononça encore une douzaine de paroles en montrant du doigt la porte prohibée, puis il me donna deux bonnes claques sur les joues en signe d'amitié et remonta l'échelle pesamment. Quand le panneau se fut refermé sur lui, je voulus éveiller Jean. Mais je rencontrai ses yeux grands ouverts et tout ronds qui brillaient comme des chandelles. Il me dit « As-tu compris ? Tu seras mangé le premier parce que tu es le plus gras. » Je ne saurais expliquer pourquoi cette apostrophe inattendue me donna le malaise. Je ne croyais pas un mot de ce que Jean me disait et pourtant j'eus un frisson. « Tu ne dormais donc pas, toi ? » demandai-je. Jean me répondit d'un ton important. « Dans les moments dangereux, je ne dors jamais que d'un œil. J'ai bien senti qu'il me tâtait les côtes et ça n'avait pas mine de chatouiller son appétit. Mais toi, tu es bien en chair et gras comme une loche. Tu feras un joli ragoût, mon cousin Corentin, pour un quelqu'un qui aime ça. » La colère me reprit. « Est-ce que tu vas recommencer tes bêtises ? » m'écriai-je. « Bon, bon, répliqua-t-il, jouis de ton reste. Bêtises tant que tu vaudras. On nous a mis dans le garde-manger, pas vrai ? Nous sommes des provisions comme le cochon, les navets et les carottes. » Précisément parce que ces paroles n'étaient pas sans produire sur moi une certaine impression, ma colère s'envenima et je dis « Écoute, Jean Piteux, si tu as de méchantes idées, garde-les pour toi, ou bien tu vas recevoir de l'avancement. » Ce mot favori de maman Quimper, loin d'attendrir Jean, le rendit plus mauvais, car il grommela. « Elle te gâtait, la bonne femme, c'est sûr, mais tu ne la reverras plus jamais. » Les larmes m'inondèrent la joue. Il reprit. « Je croyais que tu avais plus de courage et que tu ne serais pas fâché de connaître ton sort d'avance pour te préparer à mourir chrétiennement. Mais du moment que tu parles de battre, je sais bien que je ne suis pas si fort que toi. Et d'ailleurs, j'ai mangé le pain de tes parents. Je ne voudrais pas rendre le mal à mon cousin Germain. Aussi, sois tranquille. Je verrai maintenant le gros boucher aiguiser son coutelas à dépecer que je ne te crierai pas. Corentin, gare à tes biftecs. Chacun pour soi. J'ai bien assez de ma peine. » Ayant ainsi péroré de sa voix la plus pointue, il se coula jusqu'à la jatte et plongea une cuillère qu'il porta à ses lèvres, non sans quelque méfiance. Mais à peine eut-il goûté la première bouchée qu'il se mit à manger avidement. Je dis bouchée parce que le contenu de la jatte n'était pas un simple potage comme je l'avais cru d'abord, mais bien un pot pourri à la flamande où il y avait du poisson, des pommes de terre, du lard, du bœuf salé et du caviar. L'amitié sincère que j'avais pour Jean comportait, j'ai dû le mentionner déjà, une dose considérable de mépris. Je me regardais comme son supérieur et son maître. Cependant, à mon insu, il exerçait sur moi une très réelle influence. Tout à l'heure, je me mourais de faim. Il avait suffi des dernières paroles de Jean pour me couper l'appétit. Maintenant, en le voyant dévorer, l'envie de faire comme lui me venait et je demandais. « C'est donc bien fameux, ce fricot-là » Jean me répondit sans perdre un coup de dent. « Ça tombe sous le sens que si tu veux engraisser ton dindon, tu lui choisis de la bonne pâtée. » Il appuya cette sentence d'un regard significatif. Le coquin voulait prolonger mon malaise pour avoir le temps de tout engloutir. Seulement, son ambition était au-dessus de ses forces. Klotz, mon futur bourreau, avait apporté assez de ragoût pour contenter 4 hommes. Et quand mon cousin Jean renonça, bourré jusqu'à la luette, la jarre restait aux 3/4 pleine. Il respira énergiquement et, comme il avait perdu tout espoir de loger dans son ventre une cuillerée de plus, il me dit « Pour bon, c'est bon, il y a là-dedans de quoi faire à dîner chez les Élie pendant 3 semaines. » Il ajouta d'un ton aimable « À chaque jour son chagrin. Bah, mets-toi un morceau sous la dent, Corentin. Quand même il devrait arriver malheur, ce n'est pas une raison pour jeûner. À ta place, moi, je ne laisserai pas refroidir la bouillie. » Tout en parlant, il avait débouché la bouteille au large ventre et versait dans son gobelet quelque chose qui me parut être de l'eau pure. « J'aimerais mieux, dit-il, du petit cidre de Dole, mais à ta santé tout de même. » Il s'amendait à vue d'œil. Quand il eut bu, il fit claquer sa langue et ses yeux s'allumèrent. « C'est du grog au squidam, s'écria-t-il. « Mazette, entends-tu mon cousin Corentin? Et du dur! Monsieur Surcouf ne serait jamais mort s'il en avait eu de pareil dans sa dernière maladie. » Il emplit mon gobelet et me le tendit. Sa tête était haute et il regardait droit. Le grog était dur, en effet, et je ne crois pas qu'il fût possible de m'ordonner en ce moment de meilleure médecine. Dès que j'eus vidé mon gobelet, je sentis mon cœur qui se remettait à sa place et m'asseyant par terre, avec la gamelle entre les jambes, je commençai à jouer de la mâchoire. Jean Piteux n'était rien auprès de moi quand il s'agissait de mordre et d'avaler. J'ai dit qu'il avait laissé les 3/4 de la jatte. En 10 minutes de temps, j'en vis le fond et je dois déclarer que de ma vie, je n'avais tâté meilleure ratatouille. Pendant que je mangeais, j'en buvais. C'était un enfant sobre par nature et qui n'avait encore jamais eu occasion de faire excès. J'étais si bien occupé moi-même que je ne faisais nulle attention à lui. « À boire !» lui dis-je, quand j'eus emmagasiné ma dernière cuillerée. « Il pourrait bien venir une demi-douzaine avec leur coutelas, nom de bleu, ils auraient de la peine à me mettre à la broche !» Jean poussa aussitôt un véritable cri de guerre. Il s'était planté sur ses jambes écartées et se balançait au roulis comme un fin matelot. « Une demi-douzaine » répéta-t-il. « Tu peux bien dire une douzaine et deux aussi. Sapeurbleur de bois, est-ce que je les laisserais t'écorcher vif, mon pauvre petit Corentin ? J'en prendrais 2 par la peau du cou et je m'en servirais pour assommer le reste !» Je le regardais. Il carrait sa courte taille et ses yeux étaient gros comme des noix. Je ne pouvais en croire mes oreilles de l'avoir entendu jurer. Il m'adressa un geste tout plein de fierté et reprit. « Tu n'es pas cause d'être un tantinet godiche. Moi, ordinairement, je fais l'âne pour pas qu'on se méfie de moi. Ha ha, j'en sais long, ma fille. Buvons, c'est bon de boire. En buvant, je vas trouver le moyen de faire comme Monsieur Surcouf quand il a marina l'anglais sur les brasses du Bengale. Nous monterons sur le pont, nous prendrons des sabres d'abordage, des pistolets, des tromblons, des canons, quoi. Nous tuerons tout le monde pour commencer, et puis roule ta bosse. Si c'est du lard, comme dit papa, moi au gouvernail, toi à la manœuvre, en route pour l'Amérique, bonne brise et beau temps, avec l'avantage de vendre le riz et la pacotille, écu content, crédit est mort, et de boire du squidam tout le long du chemin, mais sans eau, sapeur bleur de bois. Ah, sans eau le jour, la nuit, et houp des ridera, pas vrai ma vieille ? Il reprit haleine bien malgré lui. Toutes ces idées me souriaient assez, d'autant qu'elles me semblaient pratiques et d'une réalisation très facile. Ce qui me fâchait, c'était de ne pas les avoir eus le premier. Évidemment, ce Genièvre avait grandi Jean Piteux démesurément. Il me mettait le pied sur la tête. « D'abord, primo, dis-je, halte là. Que chacun garde son rang. C'est moi le capitaine et toi le mousse. Ne sortons pas de là. » Jean reprit son air mauvais pour me demander. « Pourquoi est-ce toi le capitaine ?» Avant de répondre, je bus le fond de la bouteille, puis je dis « Parce que je suis fort et toi pas. » Mais on m'avait changé mon piteux. Décidément, il me fit un pied de nez et s'écria « C'est bon chez les mules, entre hommes le plus malin et le maître. »« Et tu te crois plus malin, toi, piteux ?» demandai-je à mon tour, les poings déjà fermés pour la bataille. Jean renversa dans sa bouche la bouteille où il n'y avait plus rien. L'ivresse lui donnait une si drôle de figure que ma colère ne tint pas. Comme j'avais apparemment le jeune lièvre plus gai que lui, je perdis l'équilibre à force de rire. Il me mit aussitôt le pied sur la gorge pour tout de bon et me déclara qu'il allait me tuer si je ne demandais pas grâce. C'était sérieux. Je n'eus que le temps de saisir à deux mains son mollet. Dès que je l'eus terrassé à mon tour, il me dit « Jeu de main, jeu de vilain, tu es trop brusque. Prends garde de me blesser, je ne veux plus me divertir avec toi. » Sûrement, je n'avais pas de méchanceté, car je laissais le piteux se relever et ma seule vengeance fut de lui dire « Puisque tu es le plus malin, trouve donc le moyen de remplir la bouteille. » Il était noir comme un ramoneur parce que je l'avais un peu roulé dans le charbon. « Corentin !» répliqua-t-il avec dignité. « Tu as abusé de ta force contre un parent, mais c'est vrai que jamais je n'ai eu si grand soif. Ton idée de remplir la bouteille est bonne. Quand nous allons avoir d'autres squidam à boire, nous nous rendrons maîtres du navire tout de suite et nous commencerons notre voyage. Tu seras capitaine et mousse à la fois si tu veux, mais j'exige ma part de jeune lièvre. » Ai-je oublié de spécifier que notre bienfaiteur Klotz avait laissé derrière lui sa lanterne? C'était peut-être un oubli. Un tout petit bout de chandelle achevait de se consumer dans la boîte de corne posée sur le poussier. Je la pris et j'allais vers la porte qui faisait face au refuge du cochon. Je poussai du pied le bâton qui ne résista guère et nous montra en s'ouvrant une perspective de grande futaille. Jean, qui était derrière moi, lança sa casquette en l'air et entonna l'hymne des vieilles haines nationales de Saint-Malo qui s'exaspèrent chaque année au banc de Terre-Neuve. « J'ai vu, ma commère, j'ai vu, l'eusses-tu cru, une morue et une anglaise, comme je te vois, je les ai vues, tout à mon aise. Turlututu, j'ai vu, ma commère, j'ai vu, l'eusses-tu cru, que ce n'était pas l'anglaise qui mangeait de la morue, tout à son aise, turlututu. J'ai vu que c'était la morue, l'eusses-tu cru, qui se payait de l'anglaise au fond de l'eau toute crue, et pas bien aise, turlututu. Je l'ai vu, ma commère, je l'ai vu et je l'ai cru, car pour manger de l'anglaise, ne peut y avoir que les morues, tout à leur aise, turlututu. Les yeux lui sortaient de la tête, et j'eus toutes les peines du monde à le faire taire. « Sapeurbleur de bois ! » cria-t-il. « En voilà des barriques et des tonneaux. Donne la bouteille, on va voir le plus malin de nous deux !» Il me poussa sans façon et se rua vers les tonnes. On aurait plutôt fait de dresser l'inventaire d'une hotte de chiffonnier que d'énumérer les débris divers qui bourraient les doublures de Jean Piteux. Il ne dédaignait rien. Cloutor du bout de corde, vieux bouchon, croûte de gruyère et lambeaux d'étoffe. Il avait jusqu'à la dernière dent tombée de veuve Élie. Ayant retourné ses poches, il trouva parmi toutes ses richesses la moitié d'une haleine de cordonnier emmanché dans le quart d'un barreau de chaise. Il attaqua aussitôt la première futaille en disant « Le plus malin n'est pas celui qui enfonce une porte ouverte. Moi, je mets la barrique en perce, et là-bas !» Et avant même que la bouteille fût remplie, il la porta gloutonnement à ses lèvres. Jamais je ne me serais douté qu'il y eût de l'ivrogne dans Jean Piteux. Notre orgie désormais ne pouvait être bien longue. Le jeune lièvre pur nous enflamma d'un tel courage que l'assaut fut incontinent résolu. Jean avait son haleine qu'il brandissait terriblement. Moi, je tenais la bouteille par le goulot et gare aux têtes, point de quartier. J'obtins cependant que Klotz serait épargné à cause de la soupe. Jean décida qu'on lui casserait seulement un bras et une jambe pour l'apprivoiser. Avec sa main de reste, il devait nous faire la cuisine. Le plus difficile, ce fut de monter à l'échelle qui était raide et glissante. Jean me laissa grimper le premier. Une fois en haut, je levai la trappe qui ne pesait pas une plume. Les lecteurs les plus étrangers à l'art de la guerre savent quel est l'avantage de l'assaillant dans le cas d'une surprise. En sautant sur le pont, je trouvai à la portée de ma main plusieurs sabres d'abordage, des pistolets et même des mousquets. Je pris tout, sans plus m'occuper de Jean que s'il n'eût pas existé, et je me ruai sur le capitaine, que j'abattis d'un seul coup au pied du mât d'Artimon. Ce fut une étonnante mêlée. Au moins M. Surcouf avait avec lui ses loups de mer dans l'affaire du brick anglais. Moi, j'étais seul, car Jean s'était caché dès le commencement de la bataille. Cela m'était bien égal, je suffisais à tout. D'une main, je brandissais les sabres d'abordage. De l'autre, je faisais feu de tous les fusils et de tous les pistolets à la fois. Les Hollandais ne sont pas des poltrons, c'est connu, mais résistez donc à un diable incarné de mon numéro. Le pont fut bientôt encombré de leurs cadavres, et je marchais dans le carnage jusqu'à l'estomac. Combien il y eut de morts ? Ah, ma foi, je n'en sais rien. Pensez-vous que j'avais le temps d'en faire le compte ? Je vis Cornelius tomber sur Abraham et Peters sur Meinherr Haas, qui était à jour comme un crible. Voici la fin. Ils s'étaient rassemblés, ceux qui vivaient encore, en un petit tas devant l'habitacle. J'en avais assez d'immoler mon prochain. Je braquais contre eux un canon chargé à mitraille et je leur criais dans le porte-voix « Rendez-vous, vous êtes morts !» Ils se jetèrent aussitôt à plat ventre et je leur fis grâce en ayant la précaution de les charger de chaînes. Jean sortit alors de son trou à rats et me dit « J'espère que je les ai menés tambour battant !» J'ai traversé depuis lors bien des révolutions et toujours, après l'histoire, j'ai vu des centaines de gens piteux sortir des caves en criant « C'est moi qui ai tout fait !» Et ils ont raison puisqu'on les croit. Mais moi, je n'entendais pas de cette oreille-là. Le navire était à moi, je l'avais conquis. Je nommais Jean mon adjudant pour tout faire et je gardais l'autorité suprême. Une bonne idée me vint, car je n'avais pas grande confiance en mon premier ministre. Je rassemblai les prisonniers hollandais et je les haranguai si éloquemment qu'ils prêtèrent serment de fidélité à moi et à la France. Après quoi, ils me servirent à surveiller Jean pendant tout le reste du voyage. Nous avions déjà fait beaucoup de chemin sur la route d'Amérique quand je m'éveillais, car vous devinez bien ce qui en est. Dieu merci, la veille au soir, Jean et moi nous étions tombés ivres-morts avant d'avoir pu franchir seulement le premier degré de l'échelle. Ce fut une vive douleur à l'oreille qui me fit sortir de ma léthargie. Je tombai alors de mon rêve belliqueux et victorieux dans un autre plus vraisemblable. J'étais de retour à Saint-Malo et veuve Élie me tenait par l'oreille gauche qu'elle tirait, qu'elle allongeait au point de la pouvoir rouler sur une bobine. J'ouvris les yeux en criant misère et je vis Klotz à qui il ne manquait ni une jambe ni un bras. Jean était pris comme moi par l'autre oreille et poussait des hurlements. Klotz nous traîna jusque dans la soute aux genièvres et nous montra le tonneau percé qui avait continué de couler tout doucement, depuis le temps, par le trou d'haleine. Nous clapotions dans le squidam. Jean se mit à genoux. Moi, je gardais ma dignité, comme toujours, mais je croyais sincèrement que ma dernière heure était venue. La main de Klotz, qui avait juste le poids d'un gigot de mouton, nous distribua une douzaine de griffes par portions égales. Ces griffes sont restées dans mon souvenir comme les plus purs modèles du genre que j'ai eu occasion d'admirer. Chacune d'elles me fit voir un feu d'artifice. Après l'exécution, Klotz nous ramena dans le charbon où nous eûmes un morceau de pain sec avec de l'eau. Pendant que nous mangions tristement, Klotz assujettissait la porte de la soute aux barriques à l'aide d'un robuste cadenas.